Je sens que quelque chose a changé dans mon univers. Ce sentiment d'éternité qui rend heureux et fier. Rien n'y ressemble en comparaison. C'est bien au-delà de la raison ce que tu m'apportes. Je te le rends aujourd'hui de ces quelques notes. Si la rêve est un prix, je ne compte que ton bonheur à l'infini. Car je t'aimerai toujours, je t'aimerai toujours, mon amour. Et quelque chose a changé tout au fond de mon cœur. Rien ne saurait remplacer le bonheur de tenir paix. Comme dans un écrin de velours. Depuis que tu as vu le jour, ce que tu m'apportes, je te le rends aujourd'hui de ces quelques notes. Si l'amour avait